La santé est sous l'influence de l'esprit. Avertissement par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement. Je ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute! Si la peur de ne pas être en santé amène quelqu'un à ne pas manger de viande, boire d'alcool et fumer de cigarettes, elle agit sous l'influence d'une idée qui la garde dans un état d'insécurité psychologique. Cette pensée la pousse à se priver et l'empêche d'agir dans le sens d'une mise en puissance réelle. Donc, la peur l'amène ainsi à avoir un comportement programmé et restrictif, s'y rapportant, plutôt que d'agir en fonction de l'esprit. Tant que la personne n'a pas totalement fusionné avec l'esprit, elle s'avère sous tutelle psychique par ce dernier. Son état de santé est alors sous l'influence de lui, étant donné que son taux vibratoire s'avère plus élevé que celui d'elle en tant qu'âme. Donc ce n'est pas cette personne qui décide de son état de santé. Si l'esprit juge que le fait qu'elle devienne malade va la faire davantage évoluer vers la fusion de sa conscience avec lui, en l'amenant à changer de comportement et à s'ouvrir à sa présence que si elle s'avère en santé, il va créer des événements pour qu'elle connaisse la maladie. Cette dernière peut alors survenir en dépit de toutes les précautions imaginables qu'elle peut prendre pour être en bonne santé. Ainsi, qu'elle mange des légumes biologiques ou non, elle peut connaître des événements oppositionnels venant de l'esprit, et cela tant et aussi longtemps qu'elle n'est pas parfaitement unifiée à sa vibration. Tant que l'individu est sous influence astrale, l'esprit va le contester pour qu'il en vienne, par lui-même, à se libérer de ce plan d'énergie qui le parasite. Il va agir ainsi pour lui faire réaliser les illusions qu'il occasionne dans sa psyché et qu'il intègre davantage son intelligence et accède au réel. L'esprit va viser l'évolution individuelle de l'individu pour qu'il devienne plus mature et augmente son taux vibratoire en vue qu'il soit totalement ajusté au sien avec le temps. Tant que l'individu n'est pas totalement fusionné, il peut désirer la santé totale de son organisme physique. Par contre, il est possible qu'il ne l'atteigne pas, et cela même s'il s'engage dans des actions concrètes dans sa vie en ce sens, comme de bien s'alimenter et faire régulièrement de l'activité physique. L'ego, qui n'est pas totalement conscient, peut vouloir des choses qu'il ne peut pas avoir étant donné la divergence du taux vibratoire entre lui et sa contrepartie cosmique qui n'est pas unifiée à lui. Toutefois, lorsque l'individu est totalement fusionné, il peut avoir ce qu'il veut étant donné que son esprit ne peut plus s'opposer à sa volonté étant harmonisé à la sienne et devenu la même, soit une volonté d'être intégrale. Donc, l'être fusionné peut avoir la santé s'il la veut, car il dispose d'un taux vibratoire suffisamment élevé pour que sa volonté puisse se manifester d'une manière instantanée. Cependant, lorsqu'il sera rendu à ce stade de développement, sa volonté va diverger de celle qu'il avait lorsqu'il était inconscient et que son niveau de conscience était différent. Donc, elle ne sera pas la même. Comme la conscience d'un enfant n'est pas pareille que celle du même individu devenu adulte. La santé psychique est le résultat de l'unité entre l'âme et l'esprit. Tant que l'ego va chercher à contrôler sa vie en agissant par orgueil et en ne tenant pas compte de la volonté de l'esprit, il va s'exposer à connaître de la maladie et des oppositions dans son existence parce qu'il n'agira pas en harmonie avec les lois du cosmos. La santé psychique est inhérente à la nature de la conscience intégrale, étant le fruit de l'harmonisation de l'âme et l'esprit. Plus l'ego s'harmonise à l'énergie de l'esprit en l'intégrant, et plus il va présenter une grande santé psychique. Voilà ce qui complète la lecture du texte qui s'intitule « La santé est sous l'influence de l'esprit ». Pour les personnes que ça intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien qui figure en bas de cet enregistrement pour pouvoir procéder à la lecture de ce dernier. Je vous remercie de votre écoute et vous dis à bientôt. Au revoir.